Au sport. Dans la Ligue de soccer cadet masculine Division 3, Louis Saint-Laurent est à l'école Montignac de Lac-Mégantic pour 3 matchs. Les adversaires, l'école L'Odyssée à 10h15 et 16h30 et la Poudrière à 14h. Dans la Ligue de soccer juvénile masculine Division 2, Louis Saint-Laurent est à la Ruche de Magog pour 3 matchs. Les adversaires, le séminaire de Sherbrooke à 11h30, l'école Jean-Rimbaud à 13h et la Ruche à 14h30.